personne ordinaire et humble. Tu conquiers mon cœur rebelle. En chair, tu crées des merveilles. Où que tes pieds marchent, ta vie brille. Ton jugement sans merci est amour. Il demeure toujours.